Demande à Fatih. Les petits ont grandi. On braque le franc, prix P38 brandy. Fuis sur un banshee. Rien que tu fais leur dit. Mais je sais que tu ventis. J't'ai jamais senti. J'suis avec l'Andy. J'fais que du dirty. Billets sont blanchis. L'équipe a franchi. L'argent de la tontine réinvesti dans Coco des Antilles. Grand loup sa grande vie. J'me crois dans un grand prix. Son legging est rempli. Mais si elle veut paniquer, tant pis. J'prends pour toi si tu me garantis mon pensée. Mais si c'est pour pointe, j'serais obligé de te balancer. Bitch, j'dis pas que t'es qu'une tasse paix, mais les kilomètres que t'as mangé. J'dis juste que j'aimerais pas les faire à pied. Encore, encore retrouvé, tout au fond du canal. Gamos loué au blaze d'une poupée. On t'aimons sur Paname. 22, 22, y'a la banalisée. J'suis foncé sous Kamaz. Que de suite sur la place du marché. Et tout ça pour de la maille. J'crois qu'y'a encore, encore retrouvé, tout au fond du canal. Gamos loué au blaze d'une poupée. On t'aimons sur Paname. 22, 22, y'a la banalisée. J'suis foncé sous Kamaz. Que de suite sur la place du marché. Et tout ça pour de la ne tient qu'à un film. Dans la street c'est tendu. J'porte mes couilles, confiance à mon bloc. Et j'ai foi au bon Dieu. Vida de bandit. La repu on a vendu. Elle sait que j'fais des sous. Elle veut que j'm'emmène un peu chez Givenchy. Mais j'crache ma purée sous ses fossiles. J'transforme la cabine en confit. Je les laisse faire l'escalade blindée. On sait tous que c'est des pauvres types. On vide la tête et pas les jambes. Au moins c'est ce que tu peux pas riposter. J'suis fondé sous la vue des champs. Dans le 6.3 avec danser. Pour pointe, j'serais obligé de te balancer. Bitch, j'dis pas que t'es qu'une tasse paix, mais les kilomètres que t'as mangé. J'dis juste que j'aimerais pas les faire à pied. Encore un.